La clé des nuits légères enchaînées au cœur des Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Nous avons entendu hier matin Mireille Delmas-Marty appeler de ses voeux une grammaire à la fois commune et pluraliste qui permettrait au droit international de mettre en ordre des lois supra-étatiques, ce qui supposerait d'ailleurs un réel changement des relations entre États. Ce qu'elle nous propose dans cette époque troublée, c'est l'invention de formes juridiques nouvelles. C'est pourquoi son cours au Collège de France s'intitule « Les forces imaginantes du droit ». Je rappelle que pour Mireille Delmas-Marty, il n'est pas question de renoncer aux marges nationales qui autorisent ce pluralisme auquel tous aspirent. Mais en même temps, il s'agit de faire bien plus que de se parler, de s'influencer et de réfléchir ensemble. Il s'agit d'agir et donc de stabiliser un certain nombre de processus en cours et de les achever. Pensons par exemple aux droits de l'homme auxquels Mireille Delmas-Marty ne cesse de se référer. Il faudrait passer enfin concrètement à l'action pour internationaliser et appliquer les lois qui protègent les droits de l'homme. Sinon, évidemment, tout discours de bonnes intentions sur ces questions ne peut que rester lettre morte. Aujourd'hui, la question posée se situe dans la suite directe du cours d'hier. Stabiliser, agir, mettre en ordre un certain nombre de règles, oui, mais que faire? Comment penser et mettre en place des instances, des dispositifs internationaux qui commanderaient à cette construction juridique, non pas uniforme, mais unifiée? Telle est la question que Mireille Delmas-Marty va traiter pour nous ce matin. Donc aujourd'hui, je parlerai de la régionalisation et je renvoie à la semaine prochaine le niveau mondial, le phénomène de mondialisation. Alors la régionalisation ne peut évidemment pas être abordée en une heure de cours de façon exhaustive, mais je crois qu'il faut être conscient de l'ampleur et de l'extrême diversité des formes prises par ce phénomène qui en fait est amorcé dès le 19e siècle, qui est annoncé par la charte de l'ONU, le chapitre 8 porte sur les accords régionaux, mais qui s'est considérablement développé depuis lors. Alors que les instruments visant l'intégration régionale des droits de l'homme restent circonscrits principalement à trois conventions, la Convention européenne 1950, la Convention interaméricaine 1969 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 1981. Et puis quelques instruments déclaratifs mais sans mécanisme de contrôle, comme la déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam 1990 ou la Charte arabe des droits de l'homme 1994. L'inventaire est donc assez limité. En revanche, les espaces d'intégration économique se sont multipliés depuis une quinzaine d'années, au point de couvrir désormais une grande partie de la planète. Si vous consultez l'excellent ouvrage de Jacques Tenier, Intégration régionale et mondialisation, complémentarité ou contradiction, il a publié en 2003 la documentation française, vous verrez, il y a des cartes parfaitement explicites sur l'ensemble de ces espaces d'intégration économique. Alors en pratique, comment se constitue-t-il? C'est de façon très largement empirique. Je dirais qu'il s'organise un peu de l'objet au projet. On commence par un objet circonscrit et petit à petit on construit le projet plus politique. Il faut donc, au-delà de cette description de l'objet au projet, il faudra donc essayer de rechercher ensemble les conditions de stabilisation de ces ensembles. Et puis, comme je le fais chaque fois, j'essaierai d'illustrer d'un exemple plus concret, plus précis, comment pourrait se stabiliser en Europe, entre les deux pôles du marché et des droits de l'homme, un espace pénal européen bipolaire. Ce sera l'exemple. Et d'abord, la description de l'objet au projet. Je crois qu'au fond, la régionalisation est un peu à l'opposé d'une globalisation qui tendrait à revêtir le monde juridique d'un même uniforme. c'est-à-dire d'une forme quasi unique, modelée par les exigences du commerce mondial, la régionalisation, elle reste à première vue plus près de la terre et plus près de ses habitants. Elle est dessinée en fait par la géographie d'abord, elle est dessinée par les continents, ses formes sont redessinées par le cours des grands fleuves, le Rhin, le Danube, le Niger, le Sénégal, le Mékong, redessinées aussi par le pourtour des mers, la Méditerranée, la mer des Caraïbes, la mer de Chine, la mer Noire, la Caspienne, les océans, Pacifique ou Indien, le Golfe arabo-persique. Mais il n'y a pas que la géographie. Ces espaces obéissent aussi au hasard de l'histoire, qui font alterner guerre et réconciliation, conquête et décolonisation. Au fond, même si le rêve des grands visionnaires, je pense à Victor Hugo pour l'Europe, ou je pense à Simon Bolivar pour la communauté sud-américaine, les rêves des grands visionnaires sont parfois invoqués comme mythes fondateurs, mais les réalités ne ressemblent guère à ces grands rêves, car les réalités, les réalisations de ces espaces sont toutes couturées par les accidents et de la géographie et de l'histoire. Alors pour évoquer dans leurs grandes lignes les quelques organisations régionales d'intégration économique dont la coïncidence n'est que très partielle avec les rares organisations d'intégration des droits de l'homme, je crois qu'une typologie ne suffit pas, car le phénomène, ou alors elle est peut-être prématurée, car le phénomène est avant tout un mouvement. Donc ce que je voudrais faire, c'est essayer d'observer ce mouvement. C'est-à-dire d'observer comment se crée, à partir des stratégies, qui sont d'abord les stratégies des États fondateurs, une sorte de dynamique propre qui échappe aux fondateurs à mesure que les institutions s'autonomisent et développent leurs propres stratégies. Donc au départ, il y a les stratégies des États fondateurs. Et à la différence des fédérations d'États qui se construisent d'emblée avec un projet politique, ce qui caractérise au départ ces espaces régionaux, c'est un objet plus circonscrit, pas encore un véritable projet. Un objet qui est le plus souvent économique, ça peut être une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun, une union monétaire, plus rarement éthique, ce sera la protection des droits de l'homme, ou des droits de l'homme et des peuples. Parfois l'objet peut être sécuritaire, la lutte contre le terrorisme ou la criminalité transnationale, sanitaire, problème des médicaments, action de prévention contre le sida par exemple, ou même économique, protection de la diversité biologique, lutte contre les changements climatiques. En tout cas, ces partenariats thématiques qui se mettent en place semblent liés davantage aux interdépendances créées par l'internationalisation et par la globalisation, qu'à l'indépendance qui, elle, reste associée aux États. Alors, quelques exemples suffisent pour se convaincre de la diversité de ces espaces et de ces stratégies. Si on prend l'Amérique du Nord, la grande structure d'intégration régionale, c'est l'ALENA. L'ALENA, qui regroupe les États-Unis, c'est l'accord de libre-échange Nord-Amérique, qui regroupe les États-Unis, le Canada et le Mexique, crée, comme le nom lui-même l'indique, une zone de libre-échange des marchandises et des capitaux. Les seules politiques communes relèvent de deux accords complémentaires sur l'environnement et le travail, mais elles ne couvrent ni la solidarité, il n'y a pas de fonds structurels, ni l'immigration, il n'y a pas de libre circulation des personnes. En revanche, plus au sud, il y a plusieurs organisations avec un objectif plus politique, comme la communauté andine, avec le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, le CARICOM, marché commun des Caraïbes, et surtout le Mercosur, ou marché commun du Sud, Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay, et des pays associés, qui sont au départ le Chili et la Bolivie, puis le Pérou et le Venezuela. En fait, le Mercosur a évolué ces dernières années. On a vu apparaître une dimension sociale, puis en 2002, au moment où la rupture de la parité entre le pesos argentin et le dollar américain a ouvert la perspective de politique macroéconomique, on a vu encore évoluer et se politiser la structure. À tel point que, en décembre dernier, décembre 2004, c'est très récent, il y a eu une association au Mercosur des pays de la communauté des Andes qui pourrait annoncer, au-delà de l'union douanière, une forme d'intégration plus solidaire potentiellement renforcée, et j'y insiste, par l'appartenance de ces États d'Amérique du Sud à la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Donc, à ce moment-là, la création qui est actuellement envisagée d'une communauté sud-américaine des nations, qui a été lancée symboliquement au Pérou, mais pas à Lima, à Cusco, c'est-à-dire la capitale inca, en décembre dernier, eh bien, la création de cette communauté couplée avec le système interaméricain de protection des droits de l'homme pourrait jouer le rôle rassembleur de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme en Europe. Mais ce n'est pas joué d'avance. Car il y a aussi le projet concurrent défendu par les États-Unis d'une zone de libre-échange des Amériques, ZLEA ou ALCA en espagnol, qui elle aurait pour objectif d'imposer sur tout le continent américain le modèle du libre-échange. Donc les choses ne sont pas encore clarifiées. Maintenant, si on passe au continent africain, il y a une très grande fragmentation qui résulte sans doute en grande partie de la colonisation. Il faut savoir que 7 États avaient en 2000 moins d'un million d'habitants et 36 moins de 10 millions. L'unité est malgré tout affichée, au moins, elle était affichée déjà par l'Organisation de l'Unité africaine, qui d'ailleurs a conduit à l'adoption de la Convention africaine des droits de l'homme et des peuples, mais cette organisation est restée pour l'essentiel une enceinte diplomatique. Son remplacement est important. En 2001, elle a été remplacée par l'Union africaine, dont l'objectif est de créer une communauté économique unifiée, mais l'échéance est lointaine, c'est l'échéance 2025. Et il y a un processus qui est prévu en 6 étapes, sans doute parce que c'est difficile de passer à cette communauté africaine, alors que la situation actuelle est plutôt caractérisée par la multiplicité institutionnelle. Il y a 2 organisations à l'ouest, une au centre, une au sud, une pour l'Afrique orientale et australe, une autre au nord, pour le Maghreb arabe. À cela, il faut encore ajouter l'OADA, dont j'avais déjà eu l'occasion de parler, l'Organisation pour l'harmonisation africaine du droit des affaires, qui comporte les 16 États de l'Afrique noire francophone, y compris d'ailleurs le Cameroun, qui est mixte. En fait, le problème principal peut-être de la situation africaine, c'est la modestie de ses objectifs, limités à la liberté du commerce et à la sécurité juridique des investissements, sans doute parce que tout projet de solidarité se heurte soit à l'absence de ressources, problème de l'Afrique occidentale et centrale, soit à la dissymétrie au profit d'un État dominant comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud, qui sont un peu les poids lourds. Alors ce sont des difficultés qu'on retrouve aussi en Asie. Si on prend notamment l'Association pour la coopération régionale en Asie du Sud, le SARC selon le sigle anglais, parce que là encore il y a une dissymétrie qui est celle qui caractérise le sous-continent indien. L'association malgré tout essaye de combiner un objectif de commerce et de solidarité, de se donner comme finalité la lutte contre la pauvreté, la promotion d'actions en faveur de la santé et de l'éducation, donc il y a quand même l'idée de solidarité. De même pour l'Asie du Sud-Est, avec l'ASEAN, qui regroupe 10 membres, mais 10 membres qui sont très différents du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue démographique. Vous y trouvez par exemple Singapour, mais aussi l'Indonésie, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande. C'est extrêmement disparate. Le projet qui s'appelle Vision 2020 mentionne principalement le renforcement toujours de l'intégration économique, mais l'association marque aussi un certain intérêt pour d'autres objets, comme la lutte contre la criminalité transnationale, on a créé un centre aux Philippines, ou encore la réduction de la pauvreté et des disparités. Cela étant, la concurrence est difficile à soutenir pour ces structures, avec le grand forum de coopération économique Asie-Pacifique, qui est connu sous le nom d'APEC. Ça, c'est un véritable mastodonte, parce que c'est un ensemble qui regroupe, à l'initiative de l'Australie et des États-Unis, 21 pays, dont le Canada, la Chine, le Japon, la Russie, avec un objet qui est principalement la libéralisation des échanges et des investissements. Or, si on veut être un peu plus complet, certainement pas totalement ni exhaustif, il faut dire un mot des organisations d'Asie centrale, d'Asie mineure ou d'Eurasie. Il y a notamment l'Organisation de coopération économique ou ECO autour de l'Iran et de la Turquie, l'Organisation de coopération économique de la mer Noire sur initiative turque, l'Organisation de Shanghai entre la Chine, la Russie et plusieurs républiques d'Asie centrale, ou encore la coopération entre les États arabes du Golfe. Là, c'est un autre modèle qui vise autant la sécurité que l'intégration. Et puis, il faut mettre à part les pays producteurs de pétrole. Là, il n'y a pas de critères géographiques, c'est l'harmonisation des politiques pétrolières. Et encore à part, dans une autre catégorie, la Ligue des États arabes, par référence à la nation arabe, ou l'organisation de la conférence islamique à base confessionnelle. L'idée de départ, c'est de favoriser la coopération, mais ces institutions ont adopté les textes sur les droits de l'homme que j'ai cités au début et ont proposé, à l'initiative de l'Iran, je crois, la création d'un marché commun islamique. Voilà encore une autre structure. Alors, vous voyez que l'hétérogénéité est très grande. Et il est bien difficile à l'heure actuelle de prévoir si certaines de ces organisations réussiront à adopter un véritable projet intégré incluant une solidarité entre États, donc une fiscalisation commune, une citoyenneté commune, ou si elles seront paralysées par la concurrence des modèles très puissants de libre-échange. Les jeux restent très ouverts. En tout cas, une telle hétérogénéité, une telle instabilité confirme la difficulté, sinon l'impossibilité, d'une véritable typologie. D'autant qu'à mesure que ces structures institutionnelles se mettent en place, elles vont développer une dynamique propre, autonomisation, qui va transformer parfois l'objet en projet. Alors l'autonomisation, elle se fait assez lentement en fait. La régionalisation commence par des rencontres qui privilégient le pouvoir exécutif, et les premières institutions s'analysent comme une sorte de forum diplomatique un peu renforcé. Les choses évoluent avec la reconnaissance de la personnalité juridique aux institutions régionales et parfois l'apparition d'organes judiciaires ou quasi-judiciaires, surtout quand ces organes ont un caractère permanent et disposent d'un pouvoir de sanction. À partir de là, une dynamique propre peut se mettre en place, parfois favorisée par la reconnaissance d'un pouvoir législatif, voire la création d'un espace public de délibération avec un parlement régional. Alors, en matière de droits de l'homme, car je tiens toujours à associer à la réflexion l'intégration économique et l'intégration éthique, en matière de droits de l'homme, la grande innovation, qui a été une véritable révolution en réalité, c'est la création des tribunaux pouvant être saisis par toute victime d'une violation. Parce que là, il y a incontestablement, peut-être pas un abandon de souveraineté, mais un partage, un encadrement de la souveraineté nationale. Nous avions publié en 89 avec des collègues un ouvrage qui s'appelait « Raisonner la raison d'État ». L'application des droits de l'homme aux États aboutit à introduire la raison juridique dans le domaine de ce qui était l'appréciation discrétionnaire de la raison d'État, à partir du moment où les États peuvent être condamnés pour violation des droits de l'homme. Seulement, cette expérience un peu révolutionnaire, elle est limitée. Elle est limitée aux trois conventions que j'ai évoquées, en sachant que la Convention américaine et la Convention européenne ont commencé à prouver leur efficacité, parce qu'il y a déjà une jurisprudence. La Charte africaine, il faut attendre. Elle vient seulement, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vient seulement d'être créée. Elle n'a pas encore rendu de décision. Et c'est sans doute prématuré d'en apprécier l'impact. Si vous regardez l'ouvrage publié par mon collègue Jean-François Floss sur l'application nationale de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, vous verrez qu'il est assez prudent. Il considère que l'autonomisation de cette Cour africaine supposerait que les juges africains sortent de leur réserve à l'égard du pouvoir politique et que soit levée, selon ses propres termes, la chape de plomb politique qui pèse généralement sur la magistrature africaine. Donc, il y a des conditions à remplir. D'ailleurs, il faut tenir compte du fait que pour la Convention européenne et pour la Convention interaméricaine, il a fallu du temps. Les sociologues eux-mêmes, qui sont peu complaisants à l'égard des droits de l'homme, ils les décrivent volontiers comme la vitrine des nations civilisées, s'étonnent de la place qui a été prise, mais au bout de plusieurs dizaines d'années, par la Cour européenne des droits de l'homme. Ils font observer, je renvoie notamment au numéro de la revue Actes de la recherche en sciences sociales de 2004 sur ces questions, Ils disent au fond tout se passe comme si les États s'étaient pris à leur propre piège. C'est-à-dire qu'ils ont voulu créer cette institution de la Cour européenne des droits de l'homme comme une vitrine de leur qualité de nation civilisée. Ils l'ont fait sans trop y croire, mais sans trop s'en méfier. Et il y a eu cette montée en puissance qui fait que maintenant, beaucoup de législations nationales sont remises en cause, beaucoup de jurisprudences nationales sont remises en cause. Et je dirais qu'avec quelques années de distance, c'est un peu le même phénomène pour la Convention américaine des droits de l'homme, dont la jurisprudence dépasse sans doute la volonté des États. On avait vu il y a quelque temps l'exemple de la neutralisation des lois d'auto-amnistie d'anciens dirigeants politiques au nom du droit des victimes à un recours et à un procès équitable. C'est une neutralisation qui vient de la jurisprudence de la Cour interaméricaine et qui a eu un impact sur les juridictions nationales, ce qui permet le jugement de l'affaire Pinochet au Chili, la réouverture de certains procès en Argentine. La limite, pour ce qui est de la Convention interaméricaine, c'est qu'elle ne s'applique pas à tout le continent en raison de la non-ratification par le Canada et par les États-Unis. Mais au moins pour l'Amérique du Sud et pour le Mexique, ça marche. Alors maintenant, quand il s'agit des organisations d'intégration économique, la judiciarisation est apparemment moins révolutionnaire, mais elle est pourtant très lente. Et sa signification reste assez ambiguë. Ainsi, si on prend l'exemple de l'ALENA, donc pour l'Amérique du Nord, c'est sans doute la seule organisation à donner aux entreprises le droit de poursuivre les États en matière d'investissement. Le risque étant d'ailleurs de leur donner la possibilité de remettre en cause la politique sociale ou environnementale des États. Et il faut savoir que la même clause figure dans le projet de zone de libre-échange des Amériques. En revanche, dans les autres domaines, toujours pour l'ALENA, il y a une procédure d'arbitrage, mais ce n'est pas une cour permanente, c'est un groupe spécial d'arbitrage qui peut être mis en place pour régler les différends. Cela dit, en pratique, si vous regardez l'ouvrage qui a été publié à Montréal en 2001 sur les intégrations et identités nord-américaines vues de Montréal, vous verrez qu'en pratique, les États-Unis, quand la décision du groupe d'arbitrage leur est défavorable, préfèrent revenir à des négociations bilatérales. Ça s'est passé notamment dans l'affaire sur le bois d'œuvre, qui est une affaire longue et avec beaucoup d'épisodes. Finalement, les États-Unis, parce que le groupe arbitral ne leur avait pas donné raison, ont préféré revenir à du bilatéral, faisant fi, disent les commentateurs canadiens, des règles commerciales établies en vertu de l'ALENA. Alors maintenant, ce qui est intéressant à regarder, c'est l'évolution du Mercosur au sud. Parce que là, on voit un autre type de judiciarisation qui ressemble plus à celui que nous connaissons pour l'Union européenne, qui se fait pas au profit d'intérêts privés, mais au profit d'instruments internationaux qui se communautarisent en quelque sorte. À l'origine, le traité se contentait d'un arbitrage des litiges par un tribunal ad hoc. Et puis les États membres du Mercosur ont créé un tribunal arbitral permanent qui siège au Paraguay et qui a tenu tout récemment sa première session en septembre 2004. Alors ça paraît une étape importante qui est en fait la suite logique de l'apparition de sanctions administratives punitives qui sont mises en œuvre par les institutions supranationales du Mercosur, un peu sur un modèle évoquant le modèle européen. Et cette judiciarisation accompagne d'ailleurs un processus de coopération et d'harmonisation qui repose sur différents instruments. Il y a des plans d'action, notamment dans certains domaines du droit pénal. Il y a des conventions également dans d'autres domaines du droit pénal comme le blanchiment. Et il y a même un projet de code douanier unifié qui a été lancé, qui n'est pas encore adopté, mais qui est en discussion. Alors, voilà donc quelques exemples de cette autonomisation quand elle passe par la judiciarisation. Mais l'autonomisation peut aussi passer par la création d'institutions à caractère législatif, une sorte de parlement. Par exemple, en Afrique, un parlement a été mis en place pour la communauté est-africaine et un autre est annoncé par le traité LOADA. En Amérique latine, il y a un projet de parlement du Mercosur qui est préparé par une commission parlementaire conjointe des pays fondateurs et dont le projet a été présenté en juillet dernier. Cela dit, s'il est vrai que l'autonomisation commande la possibilité d'une stabilisation, c'est un peu l'hypothèse que je fais ici, il reste à savoir à quelles conditions l'organisation régionale qui se met ainsi en place pourrait être qualifiée de pluraliste. N'oublions pas notre objet principal, le pluralisme ordonné. Donc à quelles conditions l'organisation pourra réussir à neutraliser les rapports de force? Ce qui m'amène donc à réfléchir sur ces conditions de stabilisation. Alors au fond, le voyage éclair que nous venons de faire autour de la planète montre qu'il y a une certaine ambivalence des intégrations régionales qui sont à la fois des instruments du libéralisme qui déconstruisent les réglementations nationales, mais ce sont en même temps des moyens de reconstruction de règles à une échelle supérieure, à condition bien sûr qu'il y ait une volonté politique. Au fond, on a déconstruction et reconstruction. Et ce double phénomène est la résultante forcément très instable des facteurs de cohésion face aux rapports de force. C'est pourquoi une véritable stabilisation suppose en réalité une volonté politique qui, par-delà les intersections simplement géographiques de fait, réussira à définir les convergences indispensables. Alors, dans un premier temps, rapports de force et facteurs de cohésion. Ce ne sont pas forcément des éléments antinomiques, car n'oublions pas que l'existence d'un ennemi commun au dehors de l'organisation a toujours été un puissant facteur de cohésion. Donc les rapports de force, s'ils sont avec le dehors, peuvent contribuer à la cohésion. On le voit avec les exemples des anciennes colonies en Amérique comme en Afrique. Oui, mais alors à l'intérieur maintenant de chaque région, pour aller vers une stabilisation, il faut réussir à neutraliser le rapport de force. On le constate en Europe, où le principe de l'égalité entre les pays membres a été aménagé avec le calcul des majorités qualifiées, et il a ainsi pu être maintenu malgré les nombreuses disparités entre les pays européens. Pourquoi ? Sans doute parce qu'après des siècles de guerre, aucun des grands, entre guillemets, pays membres de l'Union n'a imposé son hégémonie aux autres. Je pense que la tentation a parfois existé. Mais toute tentative d'hégémonie semble maintenant écartée, à la fois parce qu'il y a plusieurs grands, donc ils se neutralisent réciproquement les uns les autres, et parce qu'il y a un dispositif qui établit des garde-fous. Le projet européen, le projet de traité, c'est d'ailleurs explicitement construit, il suffit de lire le préambule, sur la volonté de dépasser les anciennes divisions et de forger un destin commun. En revanche, le dépassement est plus difficile en cas d'inégalité au profit d'un seul pays. Il faut penser au Brésil, par exemple, pour l'Amérique latine, à l'Inde pour l'Asie du Sud, à la Chine en Extrême-Orient, la Russie en Eurasie. C'est difficile aussi de dépasser les anciennes divisions quand les disparités économiques sont extrêmement fortes. Il faut penser au poids de l'Afrique du Sud ou du Nigeria en Afrique par rapport aux autres, au Japon, en Asie. Et puis c'est difficile a fortiori quand les disparités sont à la fois économiques et militaires. On pense bien sûr au cas des États-Unis. Dans des cas de ce genre, le déséquilibre interne, le rapport de force interne, ne peut être surmonté que si les facteurs de cohésion sont suffisants. Alors, c'est quoi les facteurs de cohésion ? D'abord, bien sûr, les données culturelles, linguistiques, parfois religieuses, de chaque région. Mais je crois qu'il faut insister sur le fait qu'une région n'est pas enfermée dans son histoire. Insister sur le fait que le processus de stabilisation relève aussi de projets politiques plus volontaristes. Et là, j'ai envie de citer de nouveau le projet constitutionnel européen, la volonté de forger un destin commun. Il y a quelque chose de volontariste là-dedans. Alors, c'est vrai que pour réaliser un tel projet, les instruments seront différents, selon qu'il s'agit de regarder l'institution du dehors ou du dedans. Au dehors, ce qui est important pour que l'institution existe, l'institution régionale, c'est quelle est la personnalité juridique, j'y reviens parce que c'est la clé. Il faut que l'organisation régionale puisse préparer ainsi les négociations avec les organisations mondiales, notamment l'OMC, si elle veut pouvoir peser ensuite sur les décisions. La personnalité juridique facilite aussi les relations toujours au dehors, de type interrégional. Par exemple, les relations qui se développent à l'heure actuelle entre le Mercosur et l'Union européenne, ou le Mercosur et la communauté des Andes, ou entre l'Union européenne et le Maghreb. Et puis, la personnalité rend possible certaines coordinations, peut-être plus dangereuses, entre une organisation régionale et un pays, entre l'OADA et la France, entre la Chine et l'ASEAN, etc. Mais ça ne suffit pas d'avoir cet outil qui donne une présence au dehors, il faut aussi au-dedans les outils de l'intégration économique et politique, qui sont la solidarité et la citoyenneté, et les outils de l'intégration juridique. Et alors là, la question est plus complexe, parce que c'est vrai que la construction juridique régionale présente le risque de déconstruire un système juridique national qui généralement fait place aux valeurs éthiques. On risque de le déconstruire au profit d'une construction régionale qui favorise l'espace économique de libre-échange et de libre-circulation. D'où l'importance des intersections. Pas seulement des intersections géographiques, mais des intersections thématiques d'un ensemble à l'autre, et de façon peut-être plus volontariste, l'importance de ce qu'on peut appeler les itinéraires de convergence. Alors d'abord les intersections. L'inventaire des différents ensembles régionaux révèle d'abord des lieux d'intersection, des intersections géographiques. Je crois que c'est le cas notamment du Mexique pour l'Amérique. Il est membre de l'ALENA au nord du continent. Mais il est également candidat à la future communauté sud-américaine des nations. Et le Mexique, ne l'oublions pas, est adhérent comme les États d'Amérique du Sud, mais à la différence des autres États d'Amérique du Nord, à la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Maintenant, si on veut revenir à notre continent, on a l'exemple de la Turquie, au carrefour de l'Europe et de l'Asie. Exemple très significatif. La Turquie a été à l'initiative de l'Organisation de coopération économique de la mer Noire, qui a été transformée en 1998 en une véritable organisation d'intégration, notamment dans le domaine pénal, la lutte contre la criminalité organisée, le trafic de drogue, le terrorisme, l'immigration illégale. Mais la Turquie est également membre de l'ECO, dont le siège est à Téhéran, ce qui n'exclut pas son appartenance au Conseil de l'Europe. La Turquie a adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme. J'ai d'ailleurs déjà cité plusieurs fois des affaires turques que j'ai jugées à Strasbourg. Elle a accepté, en effet, le mécanisme du recours individuel devant la Cour de Strasbourg. Enfin, comme chacun sait, puisque la question est fortement débattue à l'heure actuelle, notamment en France, la Turquie est candidate à l'Union européenne et forme déjà depuis 1996 une union douanière avec l'Europe. Alors je dirais que précisément l'ampleur du débat qui est suscité par cette candidature de la Turquie et l'importance donnée par certains aux facteurs historiques et géographiques témoignent sans doute d'abord d'une certaine difficulté politique à penser le futur sans s'enfermer dans le passé. Mais du point de vue juridique, cela témoigne d'une autre difficulté qui est très réelle, qui est la difficulté qu'il y aura à résoudre des problèmes nés des phénomènes de multi-appartenance, quand un même État appartient à différentes structures régionales qui ont des logiques qui ne sont pas toujours compatibles. En fait, à mesure que chaque organisation adopte ses propres normes juridiques et parfois ses propres juridictions, les risques de conflits se multiplient et appellent, au-delà des situations de fait, une démarche plus volontariste pour tracer des itinéraires de convergence. Cette expression, je l'emprunte à Jacques Tegnier, dans son ouvrage sur la régionalisation. Il l'utilise pour parler des projets de convergence progressive des économies, que ce soit le programme de convergence du traité de Maastricht pour l'Europe ou les programmes africains. Mais je crois que pour résoudre les conflits juridiques nés de la multi-appartenance, de l'application simultanée donc d'ensembles normatifs différents, la convergence devra sans doute prendre aussi un sens juridique, car les tensions se développent à mesure que l'intégration se renforce autour des deux pôles qui sont les pôles principaux de l'intégration économique et de l'intégration éthique par référence aux droits de l'homme. Alors en Europe, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une coïncidence partielle géographique entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, en ce sens que tous les pays membres de l'Union européenne font partie du Conseil de l'Europe et ont ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, le résultat, c'est à la fois de rendre les tensions plus visibles, notamment en matière pénale, mais aussi de favoriser une mise en compatibilité progressive par ces fameux processus d'entrecroisement. En revanche, l'absence de coïncidence géographique conduit, dans d'autres parties du monde, moins à des tensions qu'à des problèmes juridiquement insolubles, qui en réalité ramènent au rapport de force quand un pays est pris entre des engagements internationaux contradictoires. Ainsi, le Mexique, qui se trouve engagé simultanément au sein de l'ALENA, le grand marché nord-américain, et la Convention interaméricaine des droits de l'homme, ne peut pas en pratique invoquer le risque de violation des droits de l'homme pour refuser l'application d'une mesure qu'on lui impose au nom du libre-échange. Je me souviens, j'étais au Mexique en septembre dernier pour une rencontre sur l'intégration pénale en Amérique du Sud. Je me souviens de l'éclat de rire, mais amer, de mes interlocuteurs mexicains, quand j'ai, sans doute trop naïvement, suggéré qu'ils pourraient refuser dans les traités bilatéraux de coopération pénale avec les États-Unis les clauses contraires à la Convention interaméricaine des droits de l'homme, en disant « mais on est engagé internationalement ». Ils m'ont rionné, en disant « c'est un argument qui n'est absolument pas pris en compte ». Et j'ai mieux compris ce jour-là, peut-être l'importance de la candidature du Mexique à la future communauté sud-américaine des nations, où il rejoindrait les autres signataires de la Convention des droits de l'homme. Alors qu'il s'agisse de résoudre les tensions ou de combler les lacunes observables quand on regarde la carte des instruments régionaux de protection des droits de l'homme et quand on la compare à la carte des organisations d'intégration économique, eh bien, je crois que les itinéraires de convergence ne prendront leur pleine signification de choix politiques, c'est-à-dire de choix de valeur, que si elles réussissent, à préparer à la fois la mise en compatibilité des différents instruments d'internationalisation du droit et leur synchronisation. Alors, je reviendrai plus loin dans le cours, le troisième chapitre étant consacré aux vitesses de transformation sur la notion de synchronisation. Mais dès à présent, je pense que pour comprendre la notion de mise en compatibilité, l'expérience européenne de construction d'un espace pénal bipolaire entre le pôle intégration économique et le pôle droit de l'homme est déjà une approche éclairante. Donc j'en viens à mon exemple de la construction d'un espace pénal européen bipolaire. En fait, c'est une construction qui n'est pas achevée. Et en employant le singulier « un espace pénal européen », j'anticipe un peu. Car il n'y a évidemment pas un seul espace, il n'y a d'ailleurs pas disparition des espaces pénaux nationaux, mais il y a plutôt insertion des espaces pénaux nationaux dans ce que le droit européen de l'Union nous décrit de façon peut-être un peu idyllique comme un espace de liberté, de sécurité et de justice. C'est l'expression a été lancée au sommet de Tampere en 1999, mais vous savez qu'elle est reprise dans le traité constitutionnel. En réalité, quand on la situe dans le champ pénal, cette belle harmonie se cherche encore et les itinéraires sont lents et tortueux, plus lents et plus tortueux qu'on ne peut le croire à la lecture du traité. Je dirais que la situation actuelle se caractérise d'abord par les tensions entre une Europe des droits de l'homme et une Europe sécuritaire. Car au fond, loin de s'apaiser, les querelles du vieux couple « sécurité-liberté » sont à nouveau d'actualité. On dirait un peu qu'elles ont été attisées par l'effet 11 septembre, mais en réalité, elles remontent plus haut. Et à l'échelle européenne, ces querelles sont marquées par la dichotomie des deux espaces normatifs contrôlés par les deux cours, Strasbourg et Luxembourg. Strasbourg pour les droits de l'homme, Luxembourg pour l'Union européenne. Alors, comme je l'ai rappelé, l'Europe fait partie des quelques rares régions qui ont simultanément adopté un dispositif d'intégration économique, avec les trois traités fondateurs des communautés, et un dispositif d'intégration éthique, avec la Convention européenne des droits de l'homme et le Conseil de l'Europe. Au départ, l'intégration pénale n'était visée ni par un dispositif ni par l'autre. Mais l'importance de ces deux dispositifs économiques et droits de l'homme sur le droit pénal est apparue au fur et à mesure de la jurisprudence des deux cours européennes. Et on s'est aperçu que la dualité des dispositifs d'intégration entraînait la dualité de la construction pénale européenne. Alors, il y a une quinzaine d'années, quand j'enseignais à Paris 1 les grands systèmes de politique criminelle comparée, j'avais tendance à penser que le principal moteur de l'harmonisation pénale serait la Convention européenne des droits de l'homme. Bien sûr, l'influence de la Convention est seulement indirecte, parce qu'il y a peu de références dans le texte même de la Convention au droit pénal, mais au fil de la jurisprudence, on découvrait alors, et on le découvre encore aujourd'hui, on le confirme aujourd'hui, l'ampleur de ce que j'ai appelé dans mon ouvrage les contraintes structurelles, qui viennent parfois unifier abrogation de la peine de mort, mais le plus souvent harmoniser les règles pénales et les politiques pénales nationales. Mais déjà à l'époque, on percevait une autre influence possible du côté de la communauté, puis de l'Union européenne, même si le traité de Rome, le traité de Maastricht à l'époque, ne conférait pas de compétences directes en matière pénale, il devenait déjà il y a 15 ans visible que le droit communautaire avait déjà des implications sur la politique criminelle. Notamment, on constatait déjà un effet de neutralisation de la norme pénale interne quand elle est jugée incompatible avec les traités pour ses effets équivalents à une restriction au commerce intracommunautaire. Il y a eu une vaste dépénalisation de beaucoup d'infractions du droit des affaires en application directe du droit communautaire. En revanche, l'incitation à criminaliser certains comportements pour mieux protéger les intérêts communautaires, par exemple contre les fraudes au budget ou les fraudes sur l'origine des produits, restait sans effet tant que le législateur national ne se décidait pas à intervenir. L'effet de neutralisation était direct, le juge pouvait constater la neutralisation de la norme interne par la norme européenne, mais l'effet de criminalisation supposait la bonne volonté des législateurs. La situation a changé un peu avec le traité d'Amsterdam et les actions communes, mais surtout depuis le traité de Nice, qui en 2000 a créé les décisions cadres, qui supposent une transposition en droit interne, mais sans ratification préalable. Et le risque, dès lors, c'est de voir favoriser, dans le cadre de la communauté de l'Union européenne, une sorte de surinvestissement pénal, qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme, l'exploitation sexuelle des enfants, la pédopornographie, la criminalité organisée, ou encore en procédure le mandat d'arrêt européen, apparaît chez certains commentateurs, notamment les sociologues comme Vanda Capeller, la crainte que l'Europe, donc l'Europe de l'intégration économique, l'Europe du marché, ne favorise une suridéologisation sécuritaire, pour reprendre la formule de Vanda Capeller. Alors, je dirais que cette crainte est relayée aussi par, renforcée peut-être, par une sorte de montée en puissance d'une Europe des polices, une Europe transfrontière d'abord avec les accords de Schengen, qui annonçait déjà avec le fichier, le système d'information Schengen, le futur casier judiciaire européen qu'on vient de proposer aux États, mais surtout l'Europe des polices, c'est la création d'Europol, convention de 1995, et puis la création d'une Europe d'une police financière avec l'OLAF, l'Office de lutte antifraude, règlement de 99. Enfin, n'oublions pas qu'il y a aussi la police européenne. Donc, montée en puissance d'une Europe des polices, alors qu'en revanche, du côté judiciaire, il y a peu d'organes de contrôle. Il y a le dispositif d'Eurojust, mais c'est un dispositif interétatique qui, en fait, regroupe des magistrats de différents États membres dont le statut et les pouvoirs restent différents d'un pays à l'autre. Et puis Eurojust se contente de faciliter la coopération interétatique qui était déjà assurée par le réseau judiciaire européen. Il se superpose simplement à ce réseau judiciaire, mais il a du mal à réaliser une véritable coordination des enquêtes nationales et surtout, il ne contrôle pas les polices européennes. Malgré la symétrie apparente Eurojust-Europol, il n'y a pas de contrôle d'Eurojust sur Europol. Et malgré aussi les traditions nationales qui plaideraient en faveur du contrôle des autorités de police par les autorités judiciaires. Il est très difficile de faire admettre dans les pratiques et encore plus difficile de faire inscrire dans les principes le contrôle d'Europol par Eurojust ou le contrôle de l'OLAF, l'Office de lutte antifraude, sorte de police financière, par le futur parquet européen qui est proposé précisément en matière d'intérêts financiers. Je me souviens, comme présidente du comité de surveillance de cet office de lutte antifraude, le LANF, que nous avons abordé à plusieurs reprises la question du contrôle des polices avec le commissaire Vitorino, qui à l'époque était chargé de la justice et des affaires intérieures. Il était aussi conscient que nous de l'importance du problème. Mais apparemment, il avait dû céder face à la résistance des États et face à l'inertie des institutions déjà en place. Ces institutions, une fois en place, ne souhaitent pas renoncer à leur autonomie. Alors, en prévoyant de créer la possibilité de créer un parquet européen, le traité constitutionnel pourrait améliorer les choses du côté de la lutte antifraude. Il y aurait un contrôle logique, naturel, de ce futur parquet sur les activités de l'OLAF, de l'Office de lutte antifraude. Mais comme la compétence de ce parquet est limitée aux intérêts financiers, cela exclut qu'il puisse contrôler, en tout cas au début, les activités d'Europol. Autrement dit, Europol sera contrôlé seulement par les parlements, ce qui est mieux que rien, mais ce qui n'est pas très satisfaisant. Alors ces tensions, qui ne sont pas toutes résolues, favorisent les résistances des États, qui se sont d'ailleurs récemment manifestées à propos du mandat d'arrêt européen. La plupart des pays ont maintenant introduit dans leur législation nationale le principe du mandat d'arrêt, mais les juges nationaux utilisent les possibilités de refus qui sont admises par le texte. Ainsi, en France, la Cour de cassation a approuvé le refus d'exécuter le mandat d'arrêt lancé par un juge espagnol dans une affaire liée au terrorisme basque, dès lors que les faits avaient été commis en partie sur le territoire français. De façon encore plus radicale, la Cour constitutionnelle allemande a suspendu, le 24 novembre dernier, l'application de la loi allemande portant adaptation du mandat d'arrêt au droit allemand, car elle entend examiner la conformité des dispositions sur l'extradition qui permettent l'extradition des ressortissants allemands au nom du mandat d'arrêt européen. La décision est renvoyée au mois prochain, au mois d'avril 2005. Et puis, il ne faut pas exclure à terme que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen fasse un jour l'objet d'un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Tout cela amène à la nécessité d'essayer de trouver des lignes de convergence qui pourraient transformer cette dualité, disons très schématiquement marché droit de l'homme, dualité qui oppose, en une bipolarité qui structurerait les dispositifs d'intégration pénale. Alors, la recherche des itinéraires de convergence vers un espace pénal que j'appelle bipolaire, en anticipant un peu sur les évolutions. Quand je dis espace pénal bipolaire, je ne dis pas un espace qui a supprimé les tensions, car elles sont sans doute nécessaires, entre sécurité et respect des droits de l'homme. Mais un espace qui fonde sur les deux pôles une dynamique de convergence, donc qui se structure par une sorte de rééquilibrage entre les deux pôles. C'est la différence entre la dualité et la bipolarité. En Europe, les premiers itinéraires ne disent pas leur nom. Ils sont longs et sinueux, mais en fait, il y a des moyens de chercher déjà une convergence au coup par coup. Alors, soit par l'intermédiaire des cours constitutionnelles nationales, qui, comme on vient de le voir, réintroduisent la référence aux droits fondamentaux, y compris sur les textes issus de l'Union européenne, soit par la voie d'une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce n'est pas une voie directe, en ce sens que la requête ne peut pas, à l'heure actuelle, être dirigée contre la communauté européenne ou contre l'Union, qui n'est pas partie à la Convention des droits de l'homme. Donc la requête doit être dirigée contre un État parce qu'il aura accordé l'exéquature d'une décision de la Commission ou parce qu'il aura transposé une norme communautaire en droit interne. Ce sont les exemples, vous avez les références de jurisprudence dans l'affiche. Ou alors la requête peut aussi être dirigée contre tous les États, on les énumère un par un, membres de l'Union européenne. Cela étant, ces premiers itinéraires ne sont pas d'une très grande efficacité. Jusqu'à présent, les censures ont été rares. Il y a une très grande prudence des deux cours, il y a des stratégies d'évitement. Mais il se pourrait que le développement d'un droit communautaire répressif, qui est favorisé, comme on l'a vu, par l'apparition des décisions cadres, mais qui est encore plus favorisé dans le traité par la disparition des fameux piliers, donc le développement d'un droit communautaire pénal pourrait devenir une source de conflits accrus. Or, ce qui est intéressant, c'est que désormais, il y a des itinéraires plus directs qui sont ouverts par le traité constitutionnel, l'article 1.9 du traité, principalement deux voies. D'une part, la reconnaissance des droits, libertés et principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux, qui constitue, vous le savez, la deuxième partie du traité. Et puis, d'autre part, l'adhésion de l'Union, dotée de la personnalité morale désormais, à la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, la seconde disposition, l'adhésion à la Convention, même si elle ne modifie pas les compétences de l'Union, raccourcirait l'itinéraire actuel. Elle permettrait le recours direct à Strasbourg contre une application du droit communautaire considérée contraire à la Convention des droits de l'homme. Mais l'itinéraire le plus court, ce serait l'autre peut-être. Celui qui serait ouvert par l'entrée en vigueur de la Charte. Parce qu'il me semble que cette force juridique donnée à la Charte devrait rendre possible une sorte de contrôle de constitutionnalité des lois européennes. Toute loi européenne, notamment pénale, pourrait se trouver confrontée à la Charte. Et moi, je pose la question, si l'exercice avait été fait à propos de la décision 4 sur le terrorisme, peut-être que certaines définitions vagues d'une partie des infractions visées auraient été contestées. Par référence au principe de la légalité qui est inscrit dans la Charte. C'est l'article 209 du traité. Et sans doute aurait-on été amené à préciser mieux ces définitions. C'était Éloge du savoir avec aujourd'hui Mireille Delmas-Marty, titulaire de la chaire d'études juridiques comparatives et internationalisation du droit. Présentation Christine Goémé, réalisation Dominique Briffaut. tu me dis? J'oublie. Ta radio. Les voix. Les hommes. Les voix. Barbati, tu m'enseignes. Je me souviens. Dis maintenant. Les hommes. Les voix. Mémoire vive. Memoria viva. Memoria viva. Tu m'impliques. La radio. J'apprends. Écoutez. Vous êtes sur France Culture. Cette semaine, sur vos radios web, sur franceculture.com, dans les sentiers de la création, découvrez, des loges aux ateliers de costumes, les coulisses du Châtelet et le métier d'habilleuse. Voyage au pays des cloîtres et de l'art roman, à l'auditorium du Louvre. Plongez dans les abysses de l'œuvre sulfureuse et majeure de Jean Genet, autour d'Archivina. Enfin, invitation à relire Montaigne ou Proust, Sartre ou Ricoeur, rendez-vous à la Villa Gillet, où le philosophe américain Charles Lormore s'interroge sur la nature du rapport à soi fondamental et les pratiques du moi. Dans les chemins de la connaissance, hors les murs, au Collège de France, une facette méconnue de Michel-Ange, celle d'écrivain. Dans le cadre des Jeudis de l'environnement au CNAM, les déchets d'équipements électriques et électroniques, quelles solutions pour la collecte et le traitement? Enfin, au Collège international de philosophie, sciences, éthique et démocratie. À la carte, les sentiers de la création, les chemins de la connaissance, 24 heures sur 24 sur franceculture.com. France Culture vous présente. France Culture et Radio Néo vous proposent une soirée spéciale Fête de la musique, en direct et en public, à la Maison de la Radio, mardi 21 juin, à partir de 20h30. Avec notamment Wax Taylor et Pauline Croze, à retrouver aussi le nouveau projet porté par Emmanuel Tellier et Luc Durand, La Guardia. Spéciale fête de la musique avec Radio Néo, en direct sur France Culture et en public à la Maison de Radio France, mardi 21 juin à 20h30. Entrée libre. Pour savoir, franceculture.com. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture, les chemins de la connaissance à 11h30, en prélude au grand départ de l'été, nous ont proposé cette semaine de regarder les paysages en mouvement. Cette nature que l'on regarde de loin, sans s'y plonger, en voiture par exemple, et qui s'anime différemment. Cinquième et dernier volet, l'écriture du paysage, avec Yolène Escande, sinologue et chargée de recherche au